Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce samedi le 24 avril. D'abord, les principaux titres. Deux personnes ont été tuées à coups de machette la nuit de ce vendredi à samedi sur la colline Nyagutora, en commune et province de Luyigi. Et suspension des congrès communaux du parti Uprona depuis ce vendredi par le ministère à l'Intérieur dans ses attributions. Le gouvernement devrait mettre en place des stratégies nationales effectives dans la promotion du livre au Burundi, souhait de l'ancien président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, lors de la célébration de la journée mondiale et du livre du droit d'auteur ce vendredi. Voilà pour les titres. À la présentation, vous êtes avec Vestine Boutoyi. La mise en onde est assurée par Eli Kadog. Encore une fois, bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Deux personnes ont été tuées à coups de machette la nuit de ce vendredi à samedi sur la colline Nyagutora de la commune et province de Luyigi. Des sources sur place indiquent que les victimes sont Guillaume Voramel qui a de sa femme. Des malfaiteurs non encore identifiés ont lancé une grenade pour empêcher un éventuel secours. Des administratifs de la colline précisent que les victimes avaient été prévenues à travers des tracteurs accusant de sorcellerie. 6 personnes sont déjà arrêtées pour des réseaux d'enquête, signale la police à Luyigi. Et le commissaire de police dans cette province place à l'origine de ce forfait la sorcellerie. Il appelle la population à saisir la justice en cas de conflit et de rompre avec des croyances obscurantisme. Les congrès communaux du parti Uprona sont suspendus par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Dans une correspondance du ministre Jérôme de la Kobucha, adressée ce vendredi aux représentants légaux de ce parti, il explique que ces congrès font objet de contestations. De son côté, la direction nationale du parti Uprona dit n'avoir pas encore décidé de réagir. La lecture de la correspondance avec Eline Berenibigira. Excusez-nous de cet élément sonore qui n'est pas encore disponible. Le processus de recherche de la vérité sur place et sur le passé du pays ne peut réussir que lorsque les esprits de tous les intervenants sont apaisés. Là, l'expert en justice et transitionnaire Jean Bosco Leliman a parlé des victimes, des survivants et des bourreaux potentiels. Il dit que tous doivent sentir cette recherche de la vérité comme une étape vers la réconciliation. On l'écoute. La recherche de la vérité aboutit à la réconciliation. Quand cette recherche est sentie par les parties prenantes, les catégories de la population, comme leur vérité, comme une étape vers la réconciliation, comme une vérité qui rassure tout le monde. Généralement, la recherche de la vérité mène à la réconciliation quand les esprits sont apaisés. Et que ce soit les bourreaux présumés, que ce soit les victimes et les survivants, sentent que leur contribution vers l'émergence de la vérité mène nécessairement à la consolidation d'une nation réconciliée, d'une nation unie qui cherche à combattre des ennemis non humains, comme nous voyons les catastrophes naturelles, les désastres, la famine, ainsi de suite. Retournons en arrière sur les congrès communaux du parti Uprona qui sont suspendus par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Dans une correspondance du ministre Jérôme de la Kobucha adressée ce vendredi au représentant légal de ce parti, il explique que ces congrès font objet de contestations. De son côté, la direction nationale du parti Uprona dit n'avoir pas encore décidé de réagir. La lecture de la correspondance avec Eline Berenibigira. Cette correspondance du ministre ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions montre que le ministère est en train de recevoir des plaintes des membres du parti Uprona à différents niveaux. Ces militants disent être exclus arbitrairement dans les activités du parti, en l'occurrence les congrès communaux qui sont en train d'être organisés dans toutes les communes du pays et se plaignent aussi contre la convocation des congrès communaux en dehors du cadre statutaire du parti Uprona. Après analyse de ces allégations, le ministère dit avoir constaté que les articles 20 et 35 des statuts du parti Uprona ont été violés. Ces articles dressent les missions du Conseil supérieur d'orientation du parti Uprona et disposent que les congrès communaux du parti sont convoqués par le comité provincial du parti qui précise les points à l'ordre du jour, comme est transparé dans cette correspondance du ministre Gervais Ndirakobucha. Les décisions du ministère portent sur l'annulation des conclusions issues des congrès communaux déjà organisés qui font objet de contestations. De plus, le ministère a suspendu tous les congrès programmés jusqu'à nouvel ordre. In fine, le ministre appelle aux partis en conflit à privilégier le dialogue afin de formuler les positions consensuelles qui tiennent compte des dispositions statutaires et réglementaires. La rédaction de la radio Isanganiro a contacté la représentation légale du parti Uprona et le député Abel Gachassi, président du parti, a répondu que l'on n'a pas encore décidé de réagir. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13h passées de 2 minutes au studio de la radio Isanganiro, nous continuons ce journal. Le conseil des ministres tenu au cours de cette semaine a adopté le modèle de garantie de portefeuille pour les bénéficiaires des crédits du Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement FIGA en sigle et la Banque des jeunes. Prosper Nawami, secrétaire général et porte-parole de l'État, précise trois types de garanties pour ces crédits. Il trouve que l'un des principaux défis rencontrés par les promoteurs de projets au Burundi est le manque de garanties pour se voir octroyer un crédit bancaire. Suivez-le dans cet extrait du compte rendu de ce Conseil des ministres. L'un des principaux défis rencontrés par le promoteur du projet au Burundi est le manque de garanties pour se voir octroyer un crédit bancaire. Comme le conseil d'administration du FIGA n'est pas encore mis en place pour pouvoir valider les produits et services offerts par le fonds et que l'exercice budgétaire 2020-2021 est avancé, il s'avère nécessaire de proposer les critères d'éligibilité aux garanties du FIGA à l'autorité pour validation afin que la banque des jeunes puisse commencer à octroyer les crédits aux jeunes qui ont besoin de garanties. Il existe trois types de garanties, à savoir, premier type de garantie, le modèle de garantie dit individuel, dans lequel il existe une relation directe entre le fonds de garantie, le bénéficiaire de la garantie et la banque. Deuxième type de garantie, le modèle de garantie dit de portefeuille, où le fonds de garantie convient avec la banque de se porter garant pour un montant global et pour un type déterminé d'emprunteur potentiel. Et enfin, le troisième type garantie, le modèle de garantie par la médiation d'une organisation de microfinance dans lequel une organisation de microfinance obtient la garantie du fonds de garantie et emprunte auprès d'une banque pour prêter sous forme de microprêt à des micro-emprunteurs ou des paysans. C'est l'objet de cette note. Après échange et débat, le conseil a adopté le modèle de garantie de portefeuille dans ce même ordre d'idées et afin de responsabiliser toutes les parties, à savoir les bénéficiaires et la banque, et surtout amener la banque à plus de vigilance dans le traitement des dossiers et à s'impliquer dans le recouvrement, les garanties seront accordées de la manière suivante. Les projets de 1 million à 10 millions seront couverts de la garantie à 100%. Les projets de 10 millions à 30 millions seront couverts de la garantie à 80%. Les 20% étant supportés par le bénéficiaire et la banque en raison de 10% chacun. Les projets de 30 millions à 50 millions seront couverts de la garantie à 50%. La banque et le bénéficiaire supportant 25% chacun. Les femmes musulmanes sont appelées à travailler en coopérative pour atteindre un développement et lutter contre la pauvreté. C'est un appel lancé par la représentante légale de la coopérative des femmes musulmanes engagée pour le développement FMD en sigle. Samira Nguessonziza estime que les travaux ménagers freinent ces femmes à réaliser les activités de développement. Elle l'a dit en marge de la préparation d'une foire exposition des différents produits fabriqués par les femmes. Suivez Samira Nguessonziza. C'est pas seulement chez la femme musulmane. Nous avons beaucoup de responsabilités à faire à la maison. Il y a des fois où tu devrais faire un projet pour la coopérative, mais à cause des autres responsabilités de la maison, du foyer, il arrive des fois où nous n'atteignons pas l'objectif, le moment opportun. Comme la politique nationale nous dit de travailler en coopérative, je dirais aux femmes musulmanes de répondre massivement à cet appel parce que l'union fait la force. Au ministère en charge de cette attribution, c'est d'augmenter les efforts pour que toute femme, musulmane en particulier, et toute femme en général, comprenne l'importance de travailler en coopérative avec les autres. Nous tous, que ce soit cette coopérative de femmes musulmanes, que ce soit telle coopérative, telle association de femmes, l'objectif, c'est de promouvoir le développement de la femme. La mise en place d'une loi sur le droit d'auteur en 2005 et l'implantation des centres de lecture et d'animation culturelle dans toutes les communes font partie des efforts du gouvernement dans la promotion des écrivains au Burundi. Emma Brengonzumwami, directeur général de la culture, l'a dit ce vendredi lors de la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Pour Sylvestre Ntibantunga, ancien président du Burundi et écrivain, le chemin est encore long dans ce domaine et interpelle le gouvernement à mettre en place des stratégies nationales effectives dans la promotion du livre au Burundi. Armel Mutori. Le gouvernement du Burundi a déjà fait beaucoup pour la protection et la promotion des artistes, les écrivains y compris, notamment par la mise en place des lois régissant ce secteur, comme l'indique Aimable Nkunzumwami, directeur général de la culture. C'est en 2005 là où le gouvernement du Burundi a promulgué une loi des droits d'auteur, des droits voisins. C'était dans l'objectif de protéger et de faire la promotion des écrivains, des artistes, et pour qu'ils puissent vivre de leur labeur. C'est en 2007 là où le gouvernement du Burundi a adopté une politique nationale. Après avoir adopté cette politique nationale de la culture, en 2014, c'est là où aussi le gouvernement du Burundi a adopté la politique linguistique. Le gouvernement du Burundi a aussi mis en place une institution qu'on appelle le Centre Burundais de lecture et d'animation culturelle. C'est bien. Et ce dernier a émergé ses antennes presque dans toutes les communes du Burundi. Sylvestre Ntibantunganya, ancien président du Burundi et en même temps écrivain, dit que beaucoup reste à faire pour promouvoir la culture du livre auprès des jeunes et des moins jeunes. Il interpelle le gouvernement de s'impliquer davantage. C'est faux de dire que les Burundais ne lisent pas. Il n'y a pas de politique qui aide les Burundais, qui amène les Burundais à lire. Il n'y a pas de politique qui soutient l'écriture dans ce pays. Je peux demander au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des gouverneurs de province, au niveau de vous les directeurs généraux, qui est-ce qui a lu mon livre parmi vous? Donc il faut une politique. Il faut une politique qui encourage nos universités à être effectivement des centres de rayonnement intellectuel. Le vrai rayonnement intellectuel, le vrai rayonnement scientifique. C'est pourquoi il faudrait, monsieur le directeur, effectivement, que parmi les projections pour l'avenir, il y a effectivement une stratégie nationale pour le livre. Il faut créer un intérêt pour le livre. Il faut organiser des compétitions. Il faut penser à promouvoir la volonté d'écriture chez les jeunes. Ça se faisait jusqu'à récemment par, je pense, c'est le journal Iwacu qui le faisait. Je ne sais pas s'ils le font toujours autour de, je pense, du souvenir de l'abbé Michel Kayoé. Est-ce que c'est toujours fait? Pour une consommation locale des œuvres burundais, notamment les livres, les écoles et les universités devraient inclure dans leur programme la lecture de ces livres et les proposer dans les évaluations en classe. Merci Armel Mutole. C'est par ces détails que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadogo pour la collaboration technique. Vestine Moutoué, j'étais à la présentation. Au revoir et excusez-nous des imperfections qui se sont présentées lors de la présentation de ce journal. Et passez un bon après-midi. Après, ce sera la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Le retard du pré-bourse inquiète les étudiants, constate Burundi Echo, qui rappelle que dans sa conception, le pré-bourse aide l'étudiant à couvrir les frais de restauration, d'hébergement, de transport, ainsi que d'autres besoins quotidiens. Mais depuis 5 mois déjà, les étudiants de la première année de baccalauréat attendent toujours le paiement de ces frais, ce qui handicape leur vie étudiantine. Le directeur du bureau des bourses d'études et de stages au sein du ministère en charge de l'enseignement supérieur explique dans les colonnes de cet hebdomadaire qu'avant d'entamer d'autres procédures d'octroi du prêt bourse, on doit avoir les listes définitives des étudiants bénéficiaires et qu'il ne reste que la finalisation des formalités administratives au niveau de l'Université du Burundi. Cette autorité du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique tranquillise que la tranche d'avril et de mai du prêt bourse est en train d'être traitée au niveau de la Banque de la République du Burundi BRB et que bientôt les frais seront transférés à la poste. Notre confrère rappelle qu'un étudiant du premier cycle universitaire a droit au prêt bourse payé trimestriellement 180 000 francs burundais, soit 60 000 francs bou par mois. Logement décent pour les enseignants, un pari en voie d'être gagné, rassure la voix de l'enseignant. En effet, écrit ce journal, grâce à la Fondation pour le logement des personnels enseignants FLE, mise en place par 6 syndicats des enseignants regroupés au sein de la coalition des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale COSESONA, tout enseignant affilié à cette fondation peut obtenir un crédit à un taux d'intérêt réduit pour se construire une maison. Cet hebdomadaire de l'éducation fait remarquer que 54 milliards de francs burundais ont déjà été accordés. Et pour accélérer ce processus de faciliter les enseignants à obtenir des logements décents, la FLE a lancé un projet « Maison clé en main » consistant à acheter des parcelles, à les viabiliser et construire des maisons à livrer aux enseignants. La première dame et présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, Madame Angeline Ndayishimiye, a reçu en audience mercredi 21 avril Miss Burundi 2021 et ses dauphines, rapporte l'agence burundaise de presse. Elle signale dans les colonnes de ce quotidien qu'elle a trouvé que les projets présentés au cours du concours concordent en grande partie avec ceux de l'organisation qu'elle dirige et que l'idée de les rencontrer et de les aider à bien démarrer leur mission. La BP rapporte aussi que la première dame leur a offert un endroit calme qui n'est pas accessible aux personnes avec des intentions malsaines où elles pourront organiser leur réunion. Revue de la presse. L'enregistrement à l'état civil peut être modernisé, écrit la Nova. Ce journal en ligne rapporte que l'association Kitab a procédé ce vendredi à la présentation du logiciel de la gestion d'état civil. Un logiciel qui a été développé par les jeunes encadrés par Kitab dans le domaine de la programmation. Selon l'encadreur principal des jeunes programmeurs et représentant légal de cette association, Evariste Ninhunze, le logiciel va faciliter l'enregistrement systémique des naissances, des décès et des mariages, ce qui permet d'éviter les longues files d'attente devant les bureaux des agents communaux d'état civil qui doivent parcourir les livres pour trouver le document recherché. Ce jeune Burundais demande le soutien du gouvernement burundais dans ce travail innovateur, poursuit la Nova. Et en coulisses, le journal Iwachu écrit que, selon le calendrier de libération des détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle, publié par le ministère de la Justice, la libération des détenus aura lieu les 26 et 27 avril 2021. Toujours en coulisses avec cet hebdomadaire Iwachu, citant une lettre de la Confédération africaine de boxe, le Burundi a été désigné pour organiser le prochain championnat de boxe, zone 3, qui se déroulera en 2022. Nos parents, de véritables tue-l'amour, écrit le blogueur Doyaga. Selon lui, il n'est pas toujours aisé de présenter sa dulcinée à la famille, et parfois cette dernière la repousse, rendant compliquée la vie de couple. C'est un témoignage d'un blogueur qui a vu sa relation amoureuse avec Diela partir en fumée à cause de l'attitude déplaisante des parents qui ne supportent pas de voir deux êtres chers s'aimer alors qu'ils n'ont pas la même appartenance ethnique, écrit ce blogueur Doyaga. La famille du futur époux a dénigré la fiancée, tandis que les futurs beaux-parents du blogueur ont envoyé leur fille en catimini pour suivre ses études à l'étranger. Simple coïncidence, s'interroge Yaga, qui regrette que le couple ait fini par se disloquer.